Juste deux mots. Moi, je suis pas du tout d'accord avec le fait d'imputer les difficultés de l'université au fait que les gens voteraient avec leurs pieds. Je pense que le ministère, le gouvernement et tout ce qu'il y a autour, évidemment, mène une offensive mortelle contre l'université et qu'effectivement, ça peut avoir un certain écho dans le public, parce que quand on passe son temps à dire que l'université est une fabrique de chômeurs, eh bien, on décourage les couches populaires qui font de très gros efforts pour pouvoir accéder à l'enseignement supérieur. Je pense que l'université est une boussole pour la plupart des populations dont les parents n'ont pas accédé à ces niveaux d'enseignement. Et que c'est criminel de bousiller l'université comme ça. Je pense que, pour ma part, je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de gens en IUT, c'est un succès. C'est un succès, c'est pas un échec de l'université. C'est un succès du niveau de formation. Je souhaite que ça se poursuive. Il y a de plus en plus d'étudiants des IUT qui veulent rejoindre l'université après leurs deux années. Et c'est bien. Et je pense que le ministère n'a de cesse de détourner ce flux en disant non, soit vous sortez sur le marché du travail et ça suffit, soit vous allez dans des filières d'enseignement privé. Et ce sont ces bifurcations, sans arrêt. Regardez la dernière trouvaille du ministère, les ENS, le concours commun. Avant, qu'est-ce qui se passait avec les gens qui étaient en Hippocagne et Cagne qui ne rentraient pas à l'ENS? Ils revenaient vers l'université. Le ministère n'a eu de cesse de les bifurquer vers les écoles de commerce. C'est le ministère qui est en train de bousiller l'université. Et je pense qu'on a des arguments, on a des choses à dire là-dessus, qui ne sont pas de vote avec les pieds parce que la population serait dégoûtée de l'université. Je pense qu'il y a une offensive, et ça rejoint tout à fait ce que disait Annie Vinocur tout à l'heure, et que il faut qu'on mette en avant le fait qu'effectivement, on accueille tout le monde et qu'on est capable de les former. Et c'est là qu'il faut arriver à démontrer qu'on est capable de former des gens. Et à ce moment-là, on a un certain nombre d'exigences et on retombe sur des, pas une exigence de caractère général, on veut des moyens. Non, on a des exigences pédagogiques, on a des exigences de formation, on a des exigences de fonctionnement des institutions. Et voilà. Donc, à mon avis, votre démarche, elle est antinomique avec ça, puisque vous partez du postulat que c'est en fait que les gens votent avec leurs pieds. Moi, je n'admets pas ça. Qui est une offensive idéologique contre l'université. Je n'admets pas ce postulat de départ.